passé, ma haine, ma colère, ma douleur, ma peine, mes peurs aussi, les plus malsaines. Quand je me promène, je vois autre chose que moi-même. Alors je marche. Je marche pour faire passer ma haine, mes colères, mes douleurs, mes peines. Sur le chemin, j'écoute les oiseaux, leur rengaine. Et tu me crois si je te dis que j'aime leurs vers, leurs poèmes, leurs chants sans anathème. L'impression qu'ils m'expliquent un théorème. Et moi, je reste suspendu à leur thème. Et depuis que je les aime, que je partage leur arène, devient que pensée vaine. Ce sont mes colères, mes douleurs, mes peines, mes peines. Marcher pour passer ma haine, ma colère, ma douleur, ma peine. Marcher. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre! Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi! Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Ouais! Et vous serez.